Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, le quatrième déjà. Je suis toujours très très bien accompagné avec mes collègues du Passeur Critique, Manuel Haas. Bonjour. Et Lucien Alflans. Salut. Et moi-même, Olivier Grinard, pour vous servir. Donc aujourd'hui, nous allons parler principalement de trois films qui sont The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, Du Monde de Dory de Andrew Stanton et aussi de La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt. Et comme voilà, la table ronde cinéphilique du Passeur Critique a un peu du mal à être on va dire, en accord avec l'actualité, on va aussi vous parler brièvement de trois films qui sont sortis cette semaine, Tarzan, Truman et L'Effet Aquatique. Cette semaine est un peu endeuillée par la disparition de trois cinéastes très différents qui ont marqué notre cinéphilie de manière différente aussi. Donc Robin Hardy, le réalisateur de The Wicker Man, il y a aussi Abbas Kiarostami, Le Vent nous emportera, Le Goût de la Cerise, et aussi Michael Cimino, donc le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, de La Porte du Paradis, de L'Année du Dragon, du Sicilien. Je peux tous les faire si jamais on me demande. Voilà, et donc en introduction, j'ai demandé à mes collègues d'évoquer un souvenir cinéphile qui est lié à l'un ou l'autre de ces cinéastes, et tout le monde a choisi Michael Cimino. Donc voilà, on va vous parler brièvement de Michael Cimino. Qu'est Michael Cimino pour toi, Lucien Alflans? Mais d'abord, si on a tous choisi Michael Cimino, je pense que ça en dit long sur notre passion commune pour ce cinéma américain des années 70. Je pense qu'au passeur, on est quand même tous d'accord là-dessus. Ça a tous été fondamental pour nous. Oui, moi, quand on me demande un souvenir lié à Cimino, c'est ma découverte de son cinéma. Je devais avoir une quinzaine d'années. Et je découvre Voyage au bout de l'enfer de Dee Hunter en matinée, une projection en matinée, sans trop savoir ce que je vais voir, sinon un film avec De Niro, quoi. Et puis voilà, après 5 minutes, j'étais scotché, j'ai compris que j'étais devant quelque chose d'immense, de très très grand. Un travail sur la photo qui est hallucinant. Et c'est ça, c'est peut-être la première chose qui m'a frappé, en fait. Ouais. Avant même Cimino, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'image dans les 5 premières minutes, ces aciéries qui fument, ces trucs. Donc voilà, un souvenir parmi ces trois cinéastes, c'est ma découverte de Cimino, Voyage au bout de l'enfer. Moi, je vais vous parler de ma découverte de La Porte du Paradis, qui s'est faite en deux fois, en fait. Parce que la première fois que j'ai vu La Porte du Paradis, donc le film suivant, juste après Voyage au bout de l'enfer de Cimino. La première fois que j'ai vu La Porte du Paradis, c'était une version remontée. Je sais, c'était à la Cinémathèque de Bruxelles, la copie était en très mauvais état. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette version, si vous avez eu la désagréable expérience de voir cette version qui finissait avec la fin dans le bateau en montage alterné avec la fusillade, etc. Mais dans cette version, on découvrait le personnage d'Ella, qui est interprété par Isabelle Huppert, via Christopher Walken. Et il y avait d'abord une scène, toute une scène, avec Christopher Walken à l'intérieur, etc. Et on découvrait Ella en plan large, on ne savait pas très bien, on suivait juste Christopher Walken, voilà, qui arrivait pour cette femme qu'il n'aura jamais. Et donc, quand j'ai revu le film, dans la version qui a été plus ou moins revue et corrigée par Cimino, la version qu'il a voulu, en tout cas qui restera. On suit Chris Christopherson qui arrive et il achète cette carriole qu'il va offrir à ce personnage qu'on ne connaît pas encore. Et quand il arrive chez elle, il frappe à la porte, je ne sais pas si vous vous souvenez, il frappe à la fenêtre et on découvre en gros plan derrière le petit store le visage d'Isabelle Huppert qui s'illumine comme ça, qui est super content de voir Chris Christopherson. Et d'un coup, voilà, l'entrée d'un personnage dans un récit qui symbolise, enfin voilà, le personnage d'Isabelle Huppert symbolise un peu tout ce que va perdre aussi Chris Christopherson au terme de ce film. Et d'un coup, le personnage a cette aura magique juste sur une entrée, quoi. Et voilà, juste ce plan, moi, c'est de La Porte du Paradis, c'est quelque chose que je garderai en moi toute ma vie. Ben moi, mon entrée dans le cinéma de Cimino, c'est via un troisième film, qui est peut-être son troisième très grand film, qui est L'année du dragon. Et parce que pour moi, qui n'ai pas grandi dans les années 70, qui est plutôt grandi dans les années 80, ben, en fait, hein, le grand film de Cimino, c'est L'année du dragon. Et c'est surtout un film qui entretient une relation, je trouve, assez intéressante avec une autre cinématographie qui va dominer les années 80, qui est le cinéma de Hong Kong. Et justement, L'année du dragon est sortie en 1985. Et en 1986, sortait Le syndicat du crime, qui aura incarné pour toute une génération la grande figure de polar hyperbolique, le polar hardboil. Il y a aussi une autre bascule intéressante, qui est justement toute l'intrigue qui tourne autour de la place de la Chine et des Chinois dans l'histoire américaine. Il y a notamment une séquence de discussion entre Mickey Rourke et la jeune journaliste chinoise, où il lui montre une photo de la construction du rail américain. Il lui dit, grosso modo, vous êtes absent de cette photo. Et pendant longtemps, John Woo, lui, a eu un projet de monter un film sur la construction du rail aux États-Unis. Il n'a jamais réussi à monter, mais ça aurait été intéressant de voir comment ces films-là peuvent un peu dialoguer. Il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. New York Herald Tribune. Alors, on a décidé, comme on a du mal à être en phase avec l'actualité cinématographique, on a décidé de faire une revue de sorties plus récentes. Et donc, on a demandé à chacun des animateurs de transmission d'aller voir un film qui est sorti mercredi dernier. Et on commence tout de suite avec Manu, qui a choisi d'aller voir Tarzan. Eh bien, mal appris, parce que Tarzan est un film tout aussi plaisant qu'il est assez décevant. Décevant parce qu'il a été confié à David Yates, qui est l'homme à tout faire de la Warner, qui est officier sur les 4 derniers Harry Potter et qui s'apprête à rempiler sur la nouvelle trilogie. Toute la dimension épique du personnage, les scènes d'action sont traitées de manière extrêmement académique ou selon les mêmes codes qui sont répétés de blockbuster en blockbuster. Actuellement, on bouge la caméra dans tous les sens dès qu'il y a un peu d'action. Et grosso modo, on perd tout sentiment d'immersion dedans. Le petit plus quand même du film, c'est que le film assume la parenté très très feuilletonesque de Tarzan, ce que n'était pas le film de Hudson avec Christophe Lambert. Mais après, c'est un film qui ne choisit jamais qu'est-ce qu'il raconte. Il y a toute une intro sur la place du Congo et la place notamment de la Belgique au Congo, qui est assez intéressante, avec des personnages qui ont réellement existé, qui sont intégrés dans le récit. Mais le film n'en fait pas grand-chose. Il y avait pourtant un choix assez intéressant qui a été fait par le studio de confier l'écriture à Craig Brewer, qui est le réalisateur de Hustle and Flow et de Black Snake Moan, et qui a aussi signé un film dont on a parlé sur Le Passeur, qui était le remake de Footloose, et qui est un réalisateur américain très intéressant. Et on sent que le film esquisse des possibilités, notamment dans une conclusion qui fait sens, mais qui, à mon avis, est une façon de tirer une balle dans le pied pour la suite des films. Mais voilà, il ne traite pas cette relation, alors que ça devrait être le cœur du film. Ça reste un beau livre d'images, mais les écrits de Edgar Rice Burroughs méritaient largement mieux, et on vous conseillera bien plus d'aller revoir John Carter from Mars, qui était une adaptation beaucoup plus habitée de ces récits-là. Et Tarzan, voilà, c'est pas un film déplaisant, mais c'est un film assez anecdotique, voilà. Quant à Lucien, il a choisi d'aller voir donc L'effet aquatique de Solveig Anspach, la réalisatrice islando-française qui nous a quittés récemment, qui avait notamment signé Oleker et Lulu Famu. Et moi, j'ai été un peu tard hier soir pour voir L'effet aquatique, séance de 20h30. Et après 10 minutes d'excellente bande-annonce, on a eu un problème de projecteur. Enfin, le projectionniste a eu un problème de projecteur. Je n'ai donc pas pu voir L'effet aquatique. Je parle donc absolument dans le vide, mais peut-être est-ce tant mieux, parce que je n'avais absolument pas envie de voir le film. J'aurais peut-être dû aller voir Truman. Ben oui, parce que moi, je suis allé voir, donc j'ai choisi donc d'aller voir Truman, le film de un réalisateur que je ne connaissais point, qui pourtant apparemment a déjà fait 8 longs métrages, qui s'appelle Cesc Gay. C'est un film hispano-argentin, où il y a notamment cet acteur qui s'appelle Ricardo Darín, qu'on a vu dans les films de Fabian Belansky, je ne sais pas si vous vous rappelez, Les Neuf Reines et El Aura, et aussi Javier Camara, qui jouait notamment dans Parler avec elle de Almodovar. Et voilà, c'est un film qui a eu plein de prix, plein de Goya, etc. Donc, a priori, pourquoi pas. C'est l'histoire d'un type qui habite au Canada et qui va voir un de ses amis à Madrid parce que, en fait, cet ami va mourir. Et en gros, la cousine de ce type lui a demandé d'aller le voir et de le persuader de continuer sa chimio, etc. Mais Ricardo Darín donc, ne veut pas continuer la chimio et il veut mourir. Voilà, visuellement, le film n'est vraiment pas séduisant. Le pitch n'est pas non plus très séduisant. Mais par contre, il faut avouer que le film est plutôt bien joué et aussi qu'il est très très bien écrit en fait. Le film évite le pathos tout en se refusant pas le sentiment, de traiter vraiment le sentiment. Vu l'affiche, on pourrait croire que c'est un film à chien, avec chien, parce qu'en fait le type qui a le cancer doit livrer son chien et doit trouver des gens pour adopter son chien, et c'est un peu un espèce de truc qui parcourt tout le film. Mais en fait, ça va, on nous épargne le film avec chien. Et je trouve que le film parle très bien de l'amitié masculine, parce que en fait, l'amitié entre garçons au cinéma, c'est souvent des bandes. Et c'est rarement des rapports à deux. Et en fait, dans ce film, je trouve qu'il rend quelque chose très très bien, très, très bien croqué. Je trouve qu'il y a une espèce de pudeur un peu, des fois un peu extrême entre les garçons, qui fait que finalement on n'ose pas se dire les choses, qu'on se voit, c'est la première fois depuis 15 ans qu'on se voit et c'est super important et tu vas mourir, mais que finalement on se dit rien. Et ce film-là, voilà, le raconte très bien et il y a des très belles scènes. Et on va parler tout de suite d'un film dont nous sommes impatients de parler, qui s'appelle The Neon Demon, signé Nicolas Winding Refn. Are we having a party or something? You know what my mother used to call me? Dangerous. You know how my mother used to call me? Dangerous. The Neon Demon, c'est le nouveau film du prodige ou ex-prodige danois Nicolas Winding Refn, qui avait signé notamment la trilogie Pusher, qui a signé Le Guerrier Silencieux, Valhalla Rising. Son coup d'éclat, c'était Drive. Enfin, sur la scène, en tout cas, artistique, mainstream, et au niveau public. Il y a eu un petite disgrâce avec Only God Forgives, et maintenant il revient avec donc The Neon Demon, qui est un film interprété par Elle Fanning, Keanu Reeves et Jenna Malone, une jeune actrice qu'on a découverte notamment dans Donnie Darko. Et donc c'est l'histoire de Elle Fanning qui arrive à Los Angeles et qui essaye de percer en fait dans le monde de la mode et dans le monde du mannequinat. Et ça se passe très très bien pour elle. Elle a une sorte d'aura, une espèce de truc en plus, mais tellement bien que ça va créer des jalousies. Voilà, est-ce qu'on peut résumer l'histoire comme ça? Qu'en as-tu pensé, Manu? Tu dis que c'est un film qui se passe sur le milieu de la mode, mais c'est surtout un gros film de fashionista. C'est un film qui prend constamment la pause, qui a un scénario qui est résumé dans sa première scène et qu'il répète scène après scène, scène après scène, scène après scène. Il se réfugie tout du long dans une symbolique qui est ultra appuyée. On retombe dans les gros travers qu'il y avait dans Only God Forgives. Winding Refn nous refait son petit Eros et Thanatos pour les nuls. C'est assez affligeant tout du long. La façon dont Winding Refn fait la bascule entre la petite brebis égarée qui a toujours les petites lèvres entrouvertes comme ça pour paraître un peu ingénue et qui, en une seule scène de boîte disco satanique, commence à se léchouiller sur un miroir et ça y est, elle est transformée et madame est devenue une prédatrice. C'est con comme la lune. Non mais tu dis que c'est un film creux. Et moi, j'aurais aimé qu'il soit totalement creux, que ce soit juste un bel objet devant lequel j'aurais eu aucun problème à passer 2 heures un peu les yeux écarquillés, fasciné par un truc qui se passe devant moi. Le problème, c'est qu'il veut y mettre du fond et que c'est bas de plafond, quoi. Mais vraiment très bas de plafond. Il y a des moments risibles tellement c'est con. Il n'y a pas de personnage. Si, Jenna Malone. Regarde la scène provoque dans laquelle il la met en scène, c'est juste la petite scène choc. Alors que Keanu Reeves, qui fait on ne sait trop quoi à une gamine de 13 ans, ça aurait pu être choc. Et tu te dis, bon voilà, il va se passer quelque chose. Mais non, on t'entend un petit truc et puis elle téléphone à sa copine, elle se casse, la scène est avortée. Bon, je croyais ne pas avoir aimé Neon Demon, mais je crois que je vais quand même un peu rattraper ce film après l'assassinat en règle de mes collègues. Je trouve que le début est plutôt réussi. En fait, au début, la première moitié du film, je suis dedans. C'est-à-dire, je crois à ce personnage, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie d'être avec elle. Il y a ce rapport avec son presque petit copain, comme ça, qui me plaît. Même le rapport avec Keanu Reeves, la manière dont il arrive, etc. Et moi, je le trouve plutôt bon acteur dans le film. Keanu Reeves, c'est pas un souci vis-à-vis du jeu d'acteur de Keanu Reeves. Hein. C'est vraiment un souci par rapport au personnage et ce qu'il incarne et comment il est utilisé. Oui, non, mais tu dis ça, mais en fait, par rapport au personnage, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que le film fait une bascule au milieu, dont tu as bien parlé. Donc, le moment où elle est la star du défilé, on ne voit pas le défilé, mais quand elle a fait ce défilé, donc elle est devenue une star, le personnage est devenu aussi dégueulasse que les autres nénettes qui l'entourent, etc., au début dans la boîte, machin. Et à partir de ce moment-là, tous les personnages, soit on les perd... Soit les pistes qui ont été lancées intéressantes ne sont pas suivies. Tout ce qui intéresse Nicolas Winding Refn à partir de ce moment-là, c'est de faire de la scène choc. Donc la scène, comme tu as dit, avec Jenna Malone dans la morgue, qui est ridicule. Tout ce qui se passe dans les dernières 15 minutes du film. Et en fait, il a lancé des pistes, il a lancé des trucs intéressants. Il fait miroiter une espèce de passé un peu mystérieux sur Elle Fanning. Ça ne sert à rien. Il ne développe pas. En fait, à partir de la moitié de son film, il décide « Ouais, non, je fais juste des scènes pour me faire plaisir. » Et en effet, comme vous avez raison, il est bas du front parce qu'il ne va même pas jusqu'au bout. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la première partie est assez fascinante. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu reconnectes un peu avec ton esprit, ça te tue tout ce que tu vois. Ils sont quatre à avoir écrit le film, quoi. Comment c'est possible à quatre cerveaux qu'il n'y ait pas un moment où il y en ait un qui se dise « Ouais, ok, on déconne, là, il faut reconnecter, il faut essayer de garder une histoire, il faut essayer de... » Et c'est là que je retombe sur ce que je voulais dire. Moi, ça m'aurait plu que le film ne raconte en fait rien, qu'il soit ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un bel objet, comme un défilé, un film comme un défilé, et pas un défilé philosophique à la mort moelle-neuve. Le problème, justement, tu dis un bel objet. A priori, Winning Frame, il essaye de te montrer un petit peu le revers de la médaille, tout ce qui est sale, tout ce qui est pervers dans ce monde-là. Sauf qu'il aboutit juste à un objet clinquant. Je pense en plus que, pour le coup, il se plante de personnages sur son film. Le personnage, justement, de Jenna Malone, qui travaille à la fois à la morgue et dans le milieu de la mode, était peut-être le personnage à prendre en compte pour investir ce récit. Après, Olivier le disait, au début du film, il y a quelques petites scènes réussies. Pour moi, ça tient à la petite scène d'entretien où elle décroche son contrat, où il y a un petit peu de narration d'un coup, on parle un petit peu du personnage, on n'est pas juste de l'endroit symbolique. Les petits échanges avec son boyfriend, le photographe, sont plutôt touchants. Mais le problème, c'est que c'est jamais développé derrière. Bazarde les personnages n'importe comment. C'est ça qui est rageant au final, parce que tu sors du film, moi j'étais extrêmement en colère, parce que non seulement au final, il raconte rien. Moi, ça me fait vraiment chier de voir un mec qui, avec Pusher, a fait des films aussi viscéraux et arrive à accoucher des sortes d'objets clinquants sur un film de commande comme justement Drive. Pour le coup, je trouvais qu'il se coltinait un scénario et un très bon bouquin de James Salis, où il se posait des questions justement de retranscrire le style de Salis par sa mise en scène, le caractère comment évanescent du personnage. Là, c'est vraiment un film de poseur. Et donc, vous aurez compris qu'on est relativement divisé sur ce film, même si on n'est globalement pas positif. Et on passe tout de suite au monde de Dory. I remembered something. That's not possible. Is it? Okay. Is it like a picture in your head? And then you think I've seen this before? I just used the word before, which means I'm remembering something. What was I talking about? Somewhere. My family! They're out there somewhere. I have to find them. Something important, what? Something about a clam or... No. No an oyster. No. Tout autre chose maintenant, donc le nouveau Pixar, c'est le monde de Dory, l'histoire du poisson bleu du monde de Nemo, le poisson amnésique, qui veut retrouver ses parents. Qu'as-tu pensé de ce film, Manu? On commence de nouveau avec toi? Si tu veux, on va commencer avec moi. J'étais un petit peu embêté de voir Andrew Stanton revenir faire un Nemo 2 après l'échec de John Carter, qui était complètement balancé... au large par le studio au moment de sa sortie. d'une certaine façon, c'est peut-être le moins mauvais film qu'il y avait à faire sur le monde de Nemo 2. Après, le petit souci, c'est peut-être que justement, le monde de Dory est un film réussi. Le problème, c'est qu'il y a souvent deux films dedans. Il y a le monde de Dory et le monde de Nemo 2. Et le monde de Nemo 2, la façon de rattacher systématiquement le personnage de Nemo qui suit Dory est le truc le moins réussi, je pense, du film. Après, justement, de traiter le problème du personnage et de vraiment le traiter tout le long du film est assez intéressant. Le fait qu'elle n'a pas de mémoire et tout d'un coup, elle va retrouver une partie de sa mémoire et ça va être le départ de sa quête. C'est plutôt bien construit. Je trouve qu'il y a des petits moments formellement qui marchent bien, notamment tous les flashbacks et la façon dont, même s'il utilise un peu trop souvent ce procédé de narratif et visuel qui lance les flashbacks, mais qui est repris à la fin quand Dory retrouve ses parents et reprend ce même travelling circulaire qui met en place les flashbacks et qui a plutôt réussi. Après, voilà, c'est un film plaisant, mais j'ai vraiment envie de voir Andrew Stanton sur d'autres choses que ça, quoi. De le voir rempiler comme Brad Bird qui s'est cassé la gueule aussi chez Disney avec Projet A qui était Tomorrowland et par chez nous qui a été aussi complètement lâché par Disney au moment de sa sortie, et de voir empiler sur Les Nains Indestructibles 2, ça sera sûrement un bon film, je me fais pas de soucis vis-à-vis de Brad Bird, mais c'est dommage de voir ces mecs là de te dire que leur projet personnel qu'ils essayent de monter sont complètement torpillés par le système et ils doivent revenir un petit peu dans le géant de Pixar pour faire des suites. D'autant que moi je trouve j'ai revu le monde de Nemo très dernièrement, je trouve formidable. Et ce personnage de Dory est un excellent sidekick, mais qui a peut-être pas l'épaisseur. C'est un poisson plat. Ah non, qui a pas spécialement l'épaisseur pour être un personnage principal. Je pense que ça se ressent dans le monde de Dory. C'est vraiment le même schéma que dans le monde de Nemo. C'est dans le monde de Nemo, c'était le père qui partait, qui traversait l'océan pour retrouver le fils. Là, c'est la fille qui traverse l'océan pour retrouver les parents. Tu parles de deux films, moi je vois quand même tout du long un monde de Nemo 2 correct, pas dégueulasse, mais c'est quand même 10 bons niveaux en dessous, même s'il y a des choses très intéressantes. Je pense que tu vas en parler, Olivier, entre autres le discours sur les Marineland, mais par exemple, je trouve encore une fois ce côté sur la captivité des animaux, etc., beaucoup plus intéressant dans Nemo que dans le monde de Dory où c'est beaucoup plus spécifique sur les parcs aquatiques et ce genre de... Mais c'est quand même pas après, à la différence par exemple d'un dernier Pixar qui était Monster Academy, qui était la suite de Monster et Compagnie, qui était vraiment pour le coup un film assez complètement raté et qui faisait un peu mal dans la gueule de la part de Pixar parce que ça ressemblait à un film DreamWorks. Là, il y a quand même la volonté de traiter le problème du personnage et de le développer tout du long du film. On peut trouver ça plus ou moins réussi, que ça fasse trop écho au monde de Nemo, mais il y a une volonté de suivre le personnage. Ce que Monstres et Compagnie, c'était pour moi la débandade complète à ce niveau-là. C'était juste, on faisait du référentiel, du clin d'œil, tout ce qui était l'apanage de DreamWorks et qui n'était pas ce qu'on avait chez Pixar, qui s'attachait vraiment à construire des personnages, à nous construire des histoires, ce que a complètement abandonné depuis très longtemps DreamWorks derrière l'épée de Shrek, quoi. Ben, moi, j'ai un avis un peu quand même assez opposé au vôtre. Contrairement à vous, j'ai pas bien le monde de Nemo en tête, mais je trouve que l'histoire générale du monde de Dory est pas très intéressante. Surtout que le principe de faire un film sur un personnage qui est amnésique, il ne traite pas ça. Parce que tout de suite, elle a des flashbacks, donc Dory a des flashbacks, et plus elle avance dans le récit, et plus elle va recouvrir la mémoire. Voilà, il y avait un chouette défi narratif qui est ici pas relevé. Et je trouve que l'ensemble du film sur l'émotion, etc., sur l'évolution des caractères, ça ne m'intéresse pas en fait dans le film. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que tout est donné, tout est mâché, déjà vu, et que ce n'est pas intéressant. Malgré tout, je trouve que le film, dans ses péripéties, est assez amusant. Tout ce qui se passe à la fin avec l'autoroute, c'est très bien mis en scène. Il y a un moment, il y a des morceaux de bravoure dans ce film quand il saute de jet d'eau en jet d'eau, ou quand on a un plan subjectif de Dory qui va tomber dans les égouts, etc. Il y a quand même des choses qui sont visuellement assez brillantes, mais Pixar n'invente rien, enfin n'invente plus en fait. Alors qu'il pourrait, parce que je ne sais pas si vous avez vu le court-métrage qui est avant, mais alors... Au niveau photoréalisme, ils ont atteint un niveau hallucinant, quoi. visuellement, bon, ils sont dans une suite, donc ils doivent reprendre le visuel du premier film. Mais c'est un peu, voilà, on est dans des chemins de traverse qui sont, enfin non, justement pas dans des chemins de traverse, dans des chemins vraiment déjà bien balisés, connus. Et c'est un peu dommage, même si voilà, le film est quand même bien rythmé, qu'il y a beaucoup de choses qui sont drôles. Mais le film, globalement, sur l'ensemble de ce qu'il raconte, ne m'intéresse pas. Mais tu dis que tu n'es pas d'accord avec nous. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Si ce n'est sur le fait, je trouve, comme tu parles de péripéties, ces espèces de scènes d'action, un peu d'aventure-action, comme ça, assez formidable, mais qui s'intègrent beaucoup moins dans le récit que n'était celle de Nemo, où vraiment chaque scène d'action avait une importance narrative. Là, c'est plus toute la scène finale qui est brillante, qui est fun, il n'y a pas d'autre mot, mais a-t-elle un réel intérêt ? Sinon, il y a quand même un personnage que j'aimais beaucoup, parce que je me suis beaucoup retrouvé en lui, cette espèce de poule, qui est un chouette personnage, je trouve, mais très sérieusement. Un personnage qui vole toutes les scènes dans lesquelles il est, et qui est vraiment l'idée du film, quoi. Ce personnage donc de poulpe qui est en cavale, qui peut en plus, qui a un pouvoir de caméléon, je sais pas si ça existe, un poulpe qui fait aussi caméléon, mais oui, et par rapport au discours justement un peu ambivalent sur les Marineland, etc., il y a une scène qui est à mon avis ma scène préférée dans le film, c'est cette scène où ils se retrouvent dans un espèce d'aquarium pas très profond, où les enfants peuvent toucher les animaux, et ça devient une scène de terreur en fait. Tous ces enfants qui plongent leurs mains dans l'eau pour essayer de les toucher, ça devient complètement oppressant, et donc ça, en effet, ça donne un espèce de discours assez pernicieux sur les travers de ces parcs aquatiques, de ces parcs zoologiques d'une manière générale, à ce film qui est quand même un beau produit. Et tu parles aussi de cette séquence assez terrifiante avec les gamins, mais le film justement, ça a beau être un divertissement a priori pour enfants, il suffit de voir quand ils sortent au cinéma, la majorité des séances sont en VF. L'ayant vu en VF, c'est très amusant parce que la voix du Marineland est celle de Claire Chazal. Je souligne juste que dans la version originale, c'est Sigourney Weaver qui fait la voix. C'est quand même un autre cachet que Claire Chazal. C'est vrai que Claire Chazal dans Alien, ça serait un petit peu moyen. Mais tout ça, je veux dire, le film n'esquive pas des séquences plutôt adulte, terrifiante. Il y a une séquence notamment où Dory est plongée dans un seau et fait la conversation avec des poissons qui sont littéralement morts. Mais à ce niveau-là, il y a quand même une franchise de ces séquences-là. Après, on a aussi peut-être une lassitude de certains ressorts dramatiques chez Pixar, mais faudrait pas que ça nous mette en position d'avoir une défiance systématiquement sur les films, parce que typiquement, on le voit, le voyage d'Arlo, dont on a parlé Lucien la dernière fois, il a été très peu couvert, principalement parce qu'on était un peu lassé, on se disait, ah, c'est le nouveau Pixar, mais ça va être un petit peu, ils sont en roue libre, grosso modo, ils n'ont plus d'inspiration, et raté, et on passe à côté d'un film. Très bien, on va finir là-dessus, et on recommande le film, même si voilà, c'est pas révolutionnaire. Et allez voir John Carter. Et tout de suite, on passe à La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt. La Tortue Rouge, c'est le premier long métrage de Michael Dudok de Witt, donc un cinéaste d'animation qui a été très remarqué pour ses courts métrages avant, Le Moine et le Poisson, et aussi Père et Fille. Et donc dans ce film qui a été coproduit, je crois que c'est un film qui est belgo-franco-japonais, et il a été coproduit par les studios Ghibli, où Isao Takahata officie en tant que directeur artistique, je crois. Et donc c'est l'histoire d'un naufragé. Le premier plan du film, c'est un type à la mer, et il va se retrouver sur une île déserte. À partir de ce moment-là, vont se suivre une série de péripéties qui sont attendues ou pas. Donc il va trouver à manger, faire sa petite vie, essayer de partir de l'île. Et quand il essaiera de partir de l'île, il va rencontrer une tortue rouge. Bah écoutez, je vais peut-être commencer sur La Tortue Rouge. Moi, ce film, même si je l'ai vu un jour de dépression intense, m'a excessivement plu. J'ai trouvé le film vraiment magnifique. Pour le coup, on parlait tout à l'heure du Néon Démon, qui était voulait aussi un objet cinématographique voilà, complet, voilà, très beau, etc. La Tortue Rouge, c'est un vrai objet, une vraie proposition de cinéma. C'est vraiment quelque chose qui se tient du début à la fin, qui est quelque chose de très, très épuré, tant au niveau visuel qu'au niveau narratif, qu'au niveau purement toutes les choses qu'il met en place, les petites, les protagonistes du film, une bande de crabes, les oiseaux qui sont dans le ciel, il y a vraiment quelque chose vraiment très très maîtrisé, très très bien écrit tout le long du film. Après, au niveau de l'animation aussi, c'est aussi relativement dépouillé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sur l'écran. D'ailleurs, les personnages ressemblent à des personnages de bande dessinée belge, Line Claire. Parfois, on regarde l'écran et il ne filme que le ciel. On voit le grain du papier. C'est comme si on pouvait toucher le grain du papier, des aquarelles, c'est magnifique. Il y a notamment une séquence qui, à mon avis, va être dans une des plus belles séquences de l'année, qui est la séquence du tsunami. Au début, on a le ressentiment du danger, le ressentiment de l'inhabituel qui est traité justement juste à travers les couleurs, juste à travers le fait que les choses ne s'écoulent pas comme le reste du métrage, qui y a une espèce de menace qui gronde comme ça et qui finit sur cette scène absolument terrifiante du tsunami. Et c'est vraiment un très très grand moment de cinéma, c'est très beau, très poétique. Voilà, après, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans le film, je sais pas quoi. Quand on me pose la question, je dis voilà, je ne vois aucun défaut à ce film, mais voilà, il y a une petite retenue, mais sur laquelle je ne sais pas pointer le doigt. Bah, tu dis que le film est épuré, que ça soit dans son scénar, dans son écriture, mais c'est aussi dans son découpage. Ce qui est assez beau, c'est quasiment un film qui a quasiment pas du tout recours au gros plan. Quasiment tout est en plan large ou en plan rapproché, mais on est rarement dans juste une sorte de gros plan sur l'expressivité des personnages, parce que tout passe par leur rapport avec l'immensité du monde dans lequel il est posé. Ça, à ce niveau-là, la façon dont tout du film travaille ça, c'est extrêmement beau, parce que les personnages sont assez peu expressifs en termes de visage. Et tu l'as bien parlé, ça fait penser à la BD franco-belge, mais c'est vraiment deux petits points noirs, un petit trait pour le nez. On n'est pas dans l'expressivité d'œil ou de dieu qui pourrait s'ouvrir, qu'on a à la fois chez Pixar, mais qu'on peut avoir dans l'animation japonaise. Et tout passe dedans. Et pour faire encore peut-être un petit parallèle avec justement Néon Démon, qui lui use et abuse de symboliques où il n'y a rien derrière, là le film s'inscrit clairement dans un récit mythologique où justement on voit les choses arriver et on essaye de décoder les signes. On n'est pas sûr tout le temps de tout comprendre. C'est grosso modo, ça nous raconte, c'est pour être l'histoire de la vie, l'histoire de la vie d'un homme, c'est aussi simple que ça. Mais cette façon d'aborder le mythe et justement de ne pas y plaquer des symboles lourds de sens, mais de laisser au spectateur de faire le travail sur des archétypes, sur des symboles immémoriaux, ça c'est une des grandes réussites du film. Après, c'est vrai que, pour le coup, comme tu dis, c'est un film où je reste malgré tout un petit peu à distance. Je trouve très achevé, très, très beau, mais il manque peut-être cette petite viscéralité pour vraiment rentrer dans le film, mais c'est quand même une belle découverte. Quand tu parles de viscéralité, de d'emprise émotionnelle par rapport au récit, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, parce que sinon je pense que le film réussit ce que Neon Demon rate, c'est-à-dire une sorte d'objet de fascination ou de la première à la dernière seconde, que ce soit un travail sur le son, sur le vent, sur le bruit de l'eau, dans la séquence du tsunami, le son est hallucinant, enfin il y a vraiment un mixage hallucinant. Il y a des moments de beauté poétique, extatique, vraiment qui m'ont foutu des frissons, mais c'est vrai que ça manque peut-être d'une sorte de lien émotionnel entre ces éclats. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Je peux pas dire que je me sois ennuyé, parce que j'étais fasciné de tout instant. Il y avait toujours quelque chose qui m'intéressait, mais émotionnellement, je suis pas resté à 100% tout le long du film. Et c'était généralement des éclats de mise en scène, de cinéma, plus que d'émotions, humaines, véritables ou quelque chose comme ça, en tout cas. Bon, bah, je pense qu'on est globalement d'accord en fait sur le film. Faut souligner peut-être que Michael Dudok de 8, il a déjà 63 ans. Quand je suis rentré, j'ai regardé directement ses courts-métrages que j'avais pas vus, donc Le Moine et le Poisson et surtout Père et Fille, qui est vraiment un chef-d'œuvre du court-métrage d'animation. Et en fait, on voit que La Tortue Rouge, j'ai l'impression en tout cas que c'est le film d'une vie. C'est l'achèvement de ce qu'il a travaillé toute sa vie, et vraiment des thèmes qu'il a travaillé toute sa vie, et il est arrivé à, justement à cette forme d'épure, cet objet cinématographique qui fait 1h20, 1h30, mais qui a, malgré peut-être le lien émotionnel, qui atteint quand même une forme de perfection plastique et narrative, quoi. Pour résumer, vous aurez compris qu'on vous encourage très très vivement à courir en salle découvrir La Tortue Rouge de Michael Dudok de 8. Et tout de suite, on passe à l'ordonnance du docteur Rezzo qui nous parle aujourd'hui d'un bien curieux félin. L'ordonnance du docteur Rezzo. Qui achète encore des DVD et des Blu-ray aujourd'hui ? Plus grand monde. Il y a les pirates du net, les disques durs qui circulent avec la plupart des films encore à l'affiche, la VOD qui grignote des parts de marché. Et puis cette foutue chronologie des médias qui donne aux sorties en salle une priorité abusive. Bref, rares sont ceux qui font encore l'effort de payer pour un objet en chair, en os et en hémoglobine. L'acheteur de DVD et de Blu-ray est devenu, par la force des choses, une espèce rare, une sorte de fétichiste cinéphile. Il a suraimé les artistes qui ont sué sang et eau pour leur offrir un spectacle. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est disposer d'un objet qu'il exposera sur ses étagères dédiées à sa passion exclusive. Car le contenant est aussi important que le contenu. Et dans la recherche de l'objet ultime, il fait confiance aux éditeurs de ses précieuses galettes. Dans ce domaine, il y a les maîtres, tous anglophones, comme Criterion ou pour le cinéma bis, Arrow Video. Et en France, eh bien ça ne se bouscule pas au portillon. Alors que les ventes de réédition se chiffrent en milliers d'exemplaires en Angleterre, on ne peut qu'en espérer quelques centaines chez nous. Dans ce domaine sinistré, il n'y a donc pas de gros bénéfices à se faire. Les acteurs se nomment Carlotta, Potemkin ou Wildside. Et puis, il y a les passionnés, fous de giallo et de cinéma bis. Dit Ecstasy au film, ou Artus par exemple, et puis le chat qui fume. Arrêtons-nous sur ce dernier, car le félidé sort ses griffes depuis quelques mois sous forme de Blu-ray aux qualités indéniables. Il y a quelques mois, le chat a sorti l'artillerie lourde avec une réédition du Venin de la peur, un giallo d'excellente tenue de Lucio Fulci, sorti en 1971. That woman for you represents degradation and vice. Jill, please. I'm going completely mad. Une jolie fille perturbée, un meurtre inexpliqué, une bonne dose d'érotisme et quelques scènes gore, tout y est. Et pour emballer tout ça, notre éditeur a vu les choses en grand. Des bonus en pagaille, des interviews de spécialistes et même d'Anita Strindberg, une des belles actrices du film. Le master est impeccable et on a même droit à un livret qui reproduit les affiches et les photos promotionnelles de l'époque. Du grand art en somme, qui fait de cette réédition ce qu'il y a de plus définitif en la matière, au point de rendre jaloux les spécialistes anglophones. Et en cette année 2016, le rythme de travail du gros matou s'est accéléré. Deux rééditions Blu-ray sont particulièrement jouissives. On commence par La Nuit des Diables, de Giorgio Ferroni, auteur par ailleurs du magnifique Moulin des Supplices. Sorti en 72, le film est peut-être l'ultime sursaut du genre gothique italien. Et quel sursaut, car si l'histoire se traîne un peu, la photographie et les acteurs font de cette énième adaptation d'une œuvrette de Tolstoï un spectacle tant hypnotisant que suffocant. Et enfin, autre perle plus qu'indispensable, Exorcisme tragique, de Romano Scavolini. Après un prologue sublime, cette pellicule nous offre une succession fascinante de scènes, tant de tristes débauches que de décors fantastiques où évoluent des acteurs aussi géniaux et inquiétants que furent Luigi Pistilli et Ivan Rassimov. Thank you. C'est peut-être moi, Seigneur. Découvrir ces films dans de telles conditions, dans des masters aussi étincelants, relève du miracle. Et on songe à ceux qui, par hasard ou par opiniâtreté, les ont visionnés en VHS. Ce même format nous est d'ailleurs offert comme ultime bonus, car la bande de Stéphane Bouillet, propriétaire du Gros Minou, nous fait le même coup que le Venin de la Peur, à savoir des bonus à l'appel, tous passionnants, et un livret à l'iconographie perturbée, déviante et magnifique. L'avenir du DVD, du Blu-ray, et peut-être, même si on en doute, de l'Ultra HD est là. Dans la réédition généreuse et définitive de pellicules mythiques, de la grande et de la petite histoire du cinéma, à exposer dans nos vitrines personnelles. Le chat qui fume a compris que ses clients ne sont pas des pigeons, mais des fétichistes obsessionnels en quête de qualité ultime. À la prochaine, Docteur Rezzo, on vous laisse dans votre cave, et maintenant, les conseils. Donc, Lulu, qu'as-tu ramené, Lucien Alflans, pardon, qu'as-tu ramené comme conseil ? En dehors, évidemment, de l'effet aquatique et de tous les films de Cimino, je suis retombé par hasard sur une série que j'avais arrêtée à l'époque, que j'ai reprise en plein milieu et qui m'intéresse pas mal, qui est Six Feet Under. Que je trouve absolument brillamment écrite au niveau des personnages, en tout cas. Donc voilà, un conseil. Voilà. En série, j'ai rarement vu une série qui s'intéresse à ce point à ses personnages et qui crée vraiment... Il n'y a pas de personnages secondaires, ce sont tous des personnages principaux, ils sont tous passionnants. Voilà. Bon, ben, je vais, moi, pas changer de fusil d'épaule, je vais vous reparler en conseil d'une série, une brillante série américaine de la chaîne FX, qui s'appelle The People vs O.J. Simpson. C'est en fait une série qui est produite par Ryan Murphy, qui a fait auparavant la série Nicked Up, mais qui aussi fait pour FX la série American Horror Story, qui est aussi assez intéressante. Et là, c'est une création de Scott Alexander et de Larry Karaszewski, qui sont deux grands scénaristes hollywoodiens à qui l'on doit notamment deux films pour Milos Forman et aussi pour Tim Burton. Donc cette série, comme son nom l'indique, The People vs O.J. Simpson, traite du procès d'O.J. Simpson, grand footballeur américain, aussi acteur qu'on a pu voir dans La Tour Infernale, il y a aussi Capricorn One ou Y a-t-il un flic pour sauver la reine. On montre comment un fait divers sordide a été complètement instrumentalisé sur une question de droit civique. C'est passionnant de bout en bout. Il y a un casting assez pléthorique puisqu'on a Cuba Gooding Jr. qui joue O.J. Simpson, on retrouve... David Schwimmer, il y a aussi John Travolta qui joue un grand avocat des stars américaines. C'est passionnant. Il y a tout un tas de réflexions aussi sur la célébrité. Voilà, c'est vraiment une série à découvrir que je vous conseille très vivement. Merci. Pour conclure, enfin, en tout cas pour terminer, moi je conseillerais juste d'aller jeter un œil au court-métrage de Michael Hudok de 8. Voilà, vous pouvez les trouver très très facilement sur Internet en quelques clics. Puis, on a ouvert cette émission en parlant de trois réalisateurs importants qui nous ont quittés il y a quelques jours. J'encourage tout le monde, bien sûr, à aller jeter un œil à The Wicker Man, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc le grand film de Robin Hardy qui raconte l'histoire d'un enquêteur anglais qui se rend sur une île qui est gouvernée par une espèce de secte païenne. Et puis aussi, bien sûr, Kiarostami, donc Close Up, un des grands coups d'éclat d'Abbas Kiarostami du début de sa carrière, en tout cas des années 90, un peu après Où est la maison de mon ami, que je vous encourage aussi à voir, où le personnage de Close Up se fait passer pour le grand réalisateur iranien Mohsen Makhmalbaf et s'invite dans une famille en leur promettant qu'ils vont bientôt devenir les acteurs et leur maison le théâtre d'un film qu'ils préparent. Voilà, c'est vraiment un film fascinant que je vous invite à revoir ou à redécouvrir. J'imagine qu'il va bientôt ressortir en DVD ou en Blu-ray. Voilà, donc on finit juste sur Abbas Kiarostami. Et on vous retrouve d'ici quelques semaines. Passez un bel été et à très bientôt.